Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Géraldine Dubois. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Cette année, le podcast 2030 Glorieuse est soutenu par la NEF, c'est une coopérative bancaire et citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et c'est un partenariat qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Aujourd'hui, je suis heureux de vous faire rencontrer Géraldine, la fondatrice de la Tétu. Je suis dans le premier arrondissement, dans un des rares chais urbain en circuit court qui propose du vin bio en vrac et en bouteille consignée. Alors ça fait beaucoup d'informations, on va revenir là-dessus. Nous allons forcément du coup parler du métier de Géraldine, du métier de vigneronne, un métier en pleine mutation et forcément directement impacté par les questions de préservation de la biodiversité, de la hausse des températures et plein d'autres enjeux sur lesquels on va revenir également. Ensemble, nous discuterons donc de se réapproprier des savoir-faire ancestraux, de liens à la terre et de l'adaptation face au climat qui change, mais aussi de la fierté du local. Pour commencer cet échange, Géraldine, je te pose la question que je pose à tous mes invités en début d'échange. Imagine que tu es dans un endroit, un événement où tu es amené à rencontrer des personnes que tu ne connais pas. Vient cette question fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Toi, tu réponds quoi? Et je tiens à préciser avant qu'on se lance que justement, on est vraiment dans le chai urbain, donc vous allez sans doute entendre quelques bruits. On a Roméo, le chien de Géraldine, qui est affalé sur tes genoux. Enfin voilà, on est vraiment comme à la maison. Donc allez, c'est parti, on t'écoute Géraldine. Alors la réponse à cette question est assez basique en fait, parce que je suis vigneronne. C'est vraiment mon métier. Après, c'est vrai que je dois souvent préciser le fait que je suis vigneronne en ville, parce que c'est assez atypique et que j'ai un domaine viticole qui ne ressemble à aucun autre aujourd'hui, avec en fait des vignes autour de Lyon, à moins de 20 km, un lieu de production dans le centre de Lyon et surtout un mode de distribution assez atypique, puisque je distribue mon vin tiré de la cuve en bouteille réemployée. Et pas consigné, c'est un petit peu différent. C'est du réemploi. Je pense aujourd'hui que je dois être la seule en France à être à la fois vigneronne, c'est-à-dire exploiter mes vignes, sur des vignes qui sont à moins de 20 km de Lyon, et à proposer le vin directement tiré de la cuve. On est quand même à des milliers de kilomètres de l'image du domaine classique. On voit le petit château dessiné sur l'étiquette. C'est là, quand on passe la porte, on ne se retrouve pas du tout dans cette atmosphère. C'est l'envie de faire à ton idée. C'est ça que vient le mot têtu. Mon projet, ça fait un an et demi hein, que j'ai monté ça, il était vraiment tiré par le réemploi de la bouteille. C'est ce qui a tout mené, en fait. Moi, j'ai gardé l'image de mon grand-père qui allait à la CAFCOP avec une bonbonne vide pour la remplir de rosé. Et une fois qu'on avait bu le rosé, on nettoyait la bonbonne et il allait la remplir à nouveau, parce qu'on buvait pas mal de rosé. Et moi, j'ai voulu recréer ça, c'est-à-dire permettre aux citadins et aux urbains de pouvoir venir chercher le vin là où il est produit et surtout de réutiliser les bouteilles. Je me bats fondamentalement contre le fait de jeter ces bouteilles en verre, parce que pour moi une bouteille en verre c'est un contenant qui est lavable comme une assiette, comme une fourchette. Oui, hein, c'est ça, tu as une formule je crois sur ton site internet, c'est jeter une bouteille en verre c'est comme si on jetait une assiette à la fin du repas, hein, c'est ça. Ouais. C'est comme si on nous avait appris, quand on nous a appris à recycler le verre, bah, recyclez vos assiettes parce qu'on va en faire des nouvelles, vous pouvez jeter votre assiette à la fin du repas. on ne l'aurait jamais fait. Alors, quand on nous a dit « triez vos bouteilles », alors en effet, il vaut mieux trier que de jeter son verre dans la poubelle classique. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on ne peut pas essayer de réutiliser ces bouteilles ? Alors, en effet, ça paraît simple comme ça, mais en fait, ça entraîne pas mal de contraintes, merci. Parce que quand on veut réutiliser, réemployer ces bouteilles, ça veut dire qu'il faut vendre localement. Et donc là, on passe aussi à une autre phase de commercialisation. Moi, si je fais mon vin en ville aujourd'hui, c'est pas pour aller le vendre à Hong Kong. Le monde du vin, et je m'en aperçois de plus en plus, pourtant je le connais bien, ça fait 10 ans que je fais du vin, est un monde qui est très codifié avec ses habitudes. Et ça, c'est un monde qui met ou qui va mettre beaucoup de temps à changer parce que c'est un milieu professionnel qui est très ancien. Et aujourd'hui, pour les domaines viticoles classiques, entre guillemets, c'est une fierté de vendre à l'export. Vraiment, hein. C'est-à-dire que je critique pas, hein, quand je dis ça, hein, mais c'est vrai qu'on voit, par exemple, le syndicat des vignerons bourguignons qui se gausse de vendre tant de millions, de milliards d'euros de vin à l'export. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter l'export de vin, parce que bien sûr qu'on peut pas arrêter ça du jour au lendemain. On est dans une réalité économique et on peut pas changer les choses comme ça en un claquement de doigts. Mais c'est juste... moi, j'aimerais que mon initiative ici à Lyon... essaye de faire réfléchir les gens. Et quand je dis les gens, c'est pas que les vignerons, c'est aussi les consommateurs, parce que ça part quand même de là, sur est-ce qu'on peut pas essayer de vendre plus localement et pour les consommateurs de boire plus local. En fait, c'est fou. Sur la route pour venir te voir, Géraldine, je réfléchissais à ça justement et je me disais que le vin, alors je ne sais pas qui, de l'œuf ou de la poule, mais est devenu un tel soft power français, tu vois, de diffusion du mode de vie à la française avec tout ce qu'il incarne, qu'effectivement, on n'arrive même plus à imaginer qu'on puisse consommer du vin localement. Alors que ces dernières années, on assiste à un ultra boom, j'allais dire, de la microbrasserie, où en fait, avoir ta brasserie locale, remplir tes bouteilles de rue en face de chez toi, ça devient une évidence et une fierté. Et en l'occurrence, il est assez rare de trouver des bières, des microbrasseries à plusieurs centaines de kilomètres parce que ça efface le sens de cette microbrasserie. C'est pourtant tous les deux du liquide et pas du tout dans la même logique. Et pour nous et pour moi, en fait, même français, de la bière ultra locale, c'est évident. Et le vin ultra local, j'y avais même pas pensé avant de venir t'interviewer. C'est ça. On assiste quand même à un changement des modes de consommation. On parle de locavore, de manger local, d'aller servir directement chez le fermier. Mais par contre, c'est que pour l'alimentation. Dès qu'on parle du vin... tout est modifié et on ne fait plus du tout attention à ça. Un vigneron, il est avant tout agriculteur. Est-ce qu'un maraîcher, il aurait idée d'envoyer ses carottes à Hong Kong ? Je ne pense pas. Alors, bien sûr, c'est un produit très particulier parce qu'il y a une histoire de terroir, parce qu'on n'est pas obligé non plus de boire tout le temps le même vin et on peut avoir envie de parce que deux vins différents, c'est pas deux carottes différentes et en effet, c'est pas les mêmes produits. Je le conçois, mais... je pense qu'il y a un réel effort à faire, aussi bien de la part des producteurs que des consommateurs, au niveau du vin, pour essayer de localiser un peu plus ça. Moi, je fais partie d'une appellation qui s'appelle les Coteaux du Lyonnais. C'est le vignoble le plus proche de Lyon. Les vignes sont en moyenne à 20 km ou 30 km de Lyon. Combien de restaurants aujourd'hui distribuent des Coteaux du Lyonnais à Lyon ? Alors, il y en a. Et on est ravis et on trouve que c'est super de faire vivre justement le vin local. Mais il y en a peu. Et en général, quand on regarde une carte des vins chez un restaurateur lyonnais, soit il n'a pas du tout de Coteaux du Lyonnais, soit il en a un. Et à côté de ça, il va avoir 8 Beaujolais, 10 Côtes-du-Rhône. Alors, je comprends, mais je pense qu'il y a un effort à faire quand même à ce niveau-là, aussi bien de la part des restaurateurs que des particuliers, pour essayer de favoriser quand même le vin local. Et donc là, on peut même parler d'ultra local, hein, puisque tu aurais pu te contenter d'arriver directement avec ton vin à embouteiller ici à Lyon, mais c'est pas du tout ce que tu fais, toi. Hein, pour que les gens le comprennent, là, on est entouré de fûts, on a le pressoir qui est là, tout est là. Alors, c'est mon seul lieu de production, donc j'ai pas d'autre lieu. Et quand je fais les vendanges, j'amène les raisins ici, dans le premier à Lyon, et je fais vraiment toute la production, le pressurage avec mon pressoir qui est juste derrière, les fermentations, l'élevage et la vente du vin, qui est donc le vin, en fait, il est conservé dans des cuves sous azote pour pas qu'il s'oxyde, et les gens viennent directement se servir à la cuve. Ils peuvent aussi amener leurs propres bouteilles, c'est-à-dire que s'ils ont des bouteilles chez eux d'un autre vin et qu'elles, alors je demande à ce qu'elles soient quand même bien nettoyées parce que sinon ça peut être compliqué. Moi, en général, je décolle les étiquettes ou de toute façon je colle ma contre-étiquette qui légalement est obligatoire. Voilà, et ils repartent, ils ont juste payé le vin, ils n'ont pas payé le contenant, ils n'ont pas payé l'étiquette, ils n'ont pas payé le bouchon. Donc c'est quand même une autre façon de voir les choses, quoi. Est-ce que c'est une envie d'insister sur cette fierté du local? Est-ce que c'est par nécessité écologique, parce que voilà, cette aberration de faire circuler des produits liquides dans des contenants qui sont plus particulièrement lourds, qui a pas de sens? Comment tu expliques cette envie de créer la têtue? C'était vraiment de pouvoir remplir ces bouteilles. Je pouvais pas monter une cave de vente de vin en vrac à Orliena parce que j'aurais eu personne à part les habitants d'Orliena, peut-être 2-3 habitants autour. L'idée de le faire en ville, c'est vraiment pour que les gens puissent venir chercher à la source, et c'est pour limiter le transport des bouteilles. Moi aujourd'hui, mes bouteilles ne sont pas transportées. 80% des gens qui viennent à la cave viennent à pied, en transport ou à vélo. Moi, je livre, alors depuis aujourd'hui, hein, c'est nouveau, mais en vélo cargo électrique. Quand c'est vraiment une grosse commande et que je ne peux pas le faire, j'ai une voiture qui roule au gaz naturel. Mais je veux dire, il n'y a pas un camion qui passe ici pour emmener des palettes de bouteilles. Les bouteilles ne prendront jamais l'avion. Elles ne voyageront jamais par paquebot. J'ai envie que mon vin soit fabriqué et bu à Lyon. Après, je conçois que c'est très extrême comme position, mais je suis sûre qu'il y a tout ce qu'il faut pour... En plus, j'ai une petite production, mais il y a tout ce qu'il faut pour vendre ce que je fais ici à Lyon. Alors, on aurait pu dire que c'est très extrême. Tu nous présentes cette envie d'ultra local. On se dit, tiens, c'est pousser le curseur assez loin. Mais c'est parce que tu t'es pas arrêté à ça. On est d'accord, puisque tu as très peu d'intrants, voire pas du tout d'intrants chimiques. J'ai lu dans une interview, je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'entre-temps, je sais que tu as changé de parcelle, mais que tu labourais avec un cheval. Hein, et... C'est pas encore tout à fait en place. J'ai un cheval de trait qui peut faire du labour. Et puis là, pour terminer, pardon, mais là, du coup, t'as quand même des bouteilles avec un bouchon réutilisable. Enfin, il y a vraiment la démarche qui a été poussée, j'ai l'impression, à 1000%. J'ai essayé d'aller au bout de la démarche. Donc, les vignes sont en cultivées en bio ou en conversion. Le vin est vinifié naturellement, ça veut dire qu'il n'y a aucun intrant. Les levures sont les levures du raisin, donc des levures indigènes. Et il n'y a pas ou peu de sulfite parce que je m'autorise à mettre un minimum de sulfite s'il faut pour stabiliser un peu les vins. Et en effet, les bouteilles sont zéro déchet puisque j'ai trouvé une façon de faire qui me permet d'avoir une étiquette, une contre-étiquette qui sont les mêmes pour toutes les cuvées, qui donc restent sur les bouteilles quand moi je nettoie les bouteilles. Et en fait, j'écris simplement au stylo craie effaçable au dos de la bouteille le nom de la cuvée et le degré alcoolique, qui sont les deux choses qui changent d'une cuvée à l'autre. Pour essayer d'aller jusqu'au bout, parce que réutiliser les bouteilles, c'est bien, mais s'il faut décoller les étiquettes à chaque fois, ben, ça fait des déchets, ça sert à rien. Et je me suis dit finalement, sur une étiquette, une contre-étiquette, qu'est-ce qui va changer vraiment d'un vin à l'autre? Alors après, ça dépend aussi de la façon dont on vend le vin, parce que si on tient absolument à ce qu'est le nom de la cuvée sur l'étiquette, ben on peut pas faire ça. Oui, c'est ça, la composition, on pourrait avoir aussi tout ça qui serait indiqué et qui va, j'imagine, en changeant, puisque toi tu proposes à la vente un blanc et un rouge avec des compositions qui sont différentes. Oui, j'imagine. Alors on on n'est pas encore obligé de mettre la composition exacte des vins sur les bouteilles, mais ça va venir. Mais je crois qu'on va pouvoir placer un QR code qui renvoie sur un site internet avec les fiches de chaque vin et qui précisera en fait les composants de chaque vin. Je trouve que c'est compliqué d'avoir une démarche bio, vin nature, éventuellement le cheval dans les vignes pour éviter d'utiliser le tracteur, et derrière d'exporter 80% de sa production. Je ne dis pas que c'est mal, parce que je sais qu'économiquement, c'est difficile. Et moi, j'ai eu un domaine viticole dans le sud classique et j'exportais des bouteilles. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire autrement parce qu'on en avait besoin financièrement. Donc, je comprends complètement les vignerons qui font ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de modifier nos modes de consommation pour justement qu'il n'ait plus à faire ça ? C'est-à-dire que si... tout le monde buvait plus localement, bah peut-être que les vignerons auraient moins à exporter. Je suis moins choquée par un gros négociant de vin qui va faire des milliers d'hectos et qui lui exporte parce que finalement, voilà, il n'a pas forcément une démarche très éthique. Donc, voilà, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'un petit vigneron qui va faire attention à chaque étape et puis qui, derrière, n'a pas d'autre choix que d'exporter sa production, quel dommage quand même. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, les vignerons en sont conscients. Ils aimeraient faire autrement, mais le marché français ne leur permet pas aujourd'hui de faire autrement. Lyon, par exemple, est une ville où il est très difficile de vendre au niveau professionnel. Les restaurateurs lyonnais sont une clientèle qui est assez difficile, assez compliquée, avec des réseaux. Et c'est une ville un peu réputée pour être difficile commercialement parlant. Élitiste presque. Hein. Je ne sais pas si on peut parler d'élitisme, mais il y a beaucoup de restaurants, donc c'est une clientèle qui est importante. Donc, il y a beaucoup forcément de fournisseurs et de commerciaux qui s'intéressent aux restaurateurs lyonnais. Et je pense que dans la masse, c'est difficile de faire son trou. Je pense qu'il y a une vraie sensibilisation à faire. Par exemple, moi, le fait de faire mon vin localement, je vais être un peu cash, mais concrètement, il y a des restaurateurs, moi, qui en ont rien à foutre. Que les bouteilles soient pas transportées, alors ça, ils se sentent pas concernés. Alors qu'ils ont cette démarche-là sur la nourriture. C'est-à-dire qu'ils vont être en local, en circuit court sur la nourriture. Et quand moi, je leur propose une solution pour faire la même chose sur les vins, pas sur tous les vins, hein, l'idée, c'est pas de remplacer les vins, de mettre la têtue partout, mais... bizarrement, la réponse, c'est « Ah ben non, sur les vins, on n'est pas encore en circuit court. » Oui, mais en fait, pourquoi ? Parce que moi, je vous apporte ça. A priori, les vins, vous les appréciez, vous les avez goûtés, vous les aimez. Ah oui, c'est compliqué. Surtout le quartier dans lequel on est. Enfin, à une rue d'ici, il y a un magasin qui s'appelle l'Hippopète, un resto qui est la Bijouterie. Juste à côté, il y a les Mauvaises Herbes. Moi qui suis du quartier, ce sont des lieux emblématiques de la consommation locale et qui peuvent là, en l'occurrence, grâce à ta solution, même pas avoir à faire le travail de pousser la démarche jusqu'au bout. Mais alors, j'ai des clients restaurateurs à Lyon, heureusement, et qui sont très fidèles et qui sont très actifs dans la démarche parce qu'ils ont compris que c'était pas juste un coteau du Lyonnais, qu'il y avait aussi une démarche qui allait plus loin. Mais si je regarde vraiment autour, là, de façon très proche, j'ai pas beaucoup de clients. Je sais pas. Il y a un truc qui est pas encore en place, je pense. Ils sont pas encore sensibles à ça sur les vins parce que c'est ce que je disais au départ. Le monde du vin, c'est très particulier, très codifié, et ça va venir, hein. Mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Depuis tout à l'heure, je tourne autour de cette question que j'ai envie de te poser, mais je ne sais pas comment la poser de manière à ne pas rajouter de la complexité dont on ne saurait pas quoi faire. Et à la fois, il faut que je me lance, donc je le fais. Toutes ces choses que tu fais avec en plus un enjeu climatique, un enjeu de biodiversité dont on sait qu'il est en train de nous sortir complètement des mains et qui pourrait rendre la tâche complètement démesurée. Est-ce que toi, tu vois ça comme quelque chose qui t'écrase en plus ou est-ce qu'au contraire, tu te rends compte que toute cette démarche, voilà, de local, de nature, c'est de l'aide, c'est une manière pour toi de t'adapter à ce qui va venir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, aux aléas climatiques. C'est une vaste question. Si je devais la reposer, excuse-moi, est-ce qu'il vaut mieux être dans la situation du domaine Latétu actuellement en 2022 ou dans les souliers, dans les bottes du domaine Château Margaux en 2022? Alors, sur les aléas climatiques, ça change rien. Parce que c'est pas parce qu'on est en bio ou en vin naturel qu'on a moins d'aléas climatiques que les autres. En revanche, moi, je sais que dans mon esprit, j'aurais du mal à être en conventionnel aujourd'hui et à justement envoyer mes bouteilles à l'autre bout du monde, voyant ce qui se passe dans les vignes. Donc c'est une question d'éthique personnelle, tu veux dire? Oui, toi, bien le sûr. Soir, et puis j'aurais l'impression de marcher à l'aveugle, enfin de dire ouais, de faire l'autruche, quoi. Non, jusqu'ici tout va bien en fait. Sauf que non, jusqu'ici tout va pas bien. Quand on travaille dehors, quand on est agriculteur, le changement climatique, on le prend de plein fouet. Et c'est tous les jours. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus une année classique. 2021, il y avait trop de pluie. 2022, il y a eu la sécheresse. On a eu des épisodes de grêle absolument abominables. Moi, j'ai eu de la chance, je suis passée à peu près au travers. J'ai eu quand même du raisin, mais il y a des vignerons dans l'appellation qui ont eu 4 épisodes de grêle sur la même parcelle. Dont une 4 jours avant les vendanges. Et tes ça, vignes, elles ont donné combien de ce qu'elles auraient dû donner normalement? À peu près la moitié. C'est-à-dire que c'est des jeunes vignes qui sont quand même plutôt en production. Donc normalement, je suis plutôt autour de 30-35 hecto-hectares. Et là, je suis à 20 à peu près. Mais j'ai de la chance parce que j'ai du raisin. Et il y a pas mal de vignerons qui n'ont rien eu du tout. Et les raisins qu'on a récupérés étaient déjà à 13,5 en degré alcoolique parce que c'était très concentré. Donc ça veut dire que quand on aime bien faire des vins un peu légers, ben, on ne peut pas. On a vendangé, on a commencé les vendanges le 22 août. L'année dernière, on a commencé le 17 septembre. Là, maintenant, plus personne peut nier. On est début novembre, il fait 22 degrés dehors. On peut plus passer à côté, quoi. Et est-ce que du coup, le fait que toi, tu vendes ton vin à des personnes que tu regardes dans les yeux, c'est pas une aide? Parce qu'au moment de leur dire, bah voilà, le vin, il a pris 2 euros pour telle ou telle raison, et ben Géraldine, t'inquiète pas, on va te soutenir et on est là pour toi et on sait pourquoi on dépense ces 2 euros supplémentaires. Moi, je le voyais comme un avantage, mais je suis pas sûr d'assumer. Alors, j'en suis cette... pas encore là. Moi, ça fait un an à peu près que je vends du vin, donc je suis toujours au même prix. Il faudrait en effet que j'augmente mes prix, mais c'est très compliqué pour différentes raisons, notamment l'appellation Coteau du Lyonnais est une appellation qui a encore du mal à être valorisée au niveau qualitatif, et pourtant tous les efforts ont été faits, c'est-à-dire que la majorité des vignerons sont passés au bio, voire au vin nature. Tout le monde travaille la qualité de ses vins. Il y a un travail énorme qui est fait par tous les vignerons de l'appellation. Mais aujourd'hui encore, quand on arrive notamment auprès des professionnels ou des particuliers et qu'on parle d'un Coteau du Lyonnais et qu'on vend un vin à 12 euros, on nous dit « Ah ouais, c'est cher pour un Coteau du Lyonnais. » Parce qu'il y a aussi de la vente de grandes surfaces sur des prix qui sont bien inférieurs à ça. Et on a un vrai problème aujourd'hui de valorisation, mais on ne devrait pas vendre une bouteille à moins de 15 euros. C'est pas possible au sein de l'appellation. On devrait tous rassembler nos forces pour faire en sorte que le vin de Lyon, parce que c'est quand même le vin de Lyon, en bio, en vin naturel, avec des vignerons qui travaillent la terre toute l'année, se soit valorisé au juste prix, quoi. Donc j'aimerais bien pouvoir vendre 2 euros plus cher, mais je pense que si je fais ça, tous mes clients me tournent le dos, clairement. Il faudrait que ce soit une action commune et qu'on ait tous la force à un moment de dire « Bon, maintenant, ça suffit, on a tout fait pour améliorer la qualité et pour avoir des super vins. » Mais nous, il faut juste qu'on puisse vivre, en fait. Hein, l'idée, c'est pas de se faire de l'argent. Faut pas être vigneron pour se faire de l'argent. C'est juste d'arriver à en vivre et pas d'en vivre en roulant en Porsche. Hein. Ouais. Bon, bah justement, Géraldine, on va partir en 2030 glorieuse. On va vivre dans une ère nouvelle. Et là, t'inquiète, le vin Coteau du Lyonnais est vendu à plus de 15 euros la bouteille. Il est reconnu et il fait la fierté des Lyonnais. On aura l'occasion de discuter de tout ce qui fait la richesse de ces 2030 glorieuses et de les imaginer ensemble. Et avant ça, à chaque fois, l'invité auquel je donne la parole vient avec une petite parenthèse. On va respirer un peu après tout cet échange-là déjà très dense qu'on vient d'effectuer. Et toi, tu arrives avec un passage d'un roman, quelque chose que tu as envie de nous lire parce que, selon toi, il renferme des valeurs que tu as envie de voir émerger en 2030 Glorieuse. Lequel est-ce ? En fait, je ne connais pas le livre dont est tiré l'extrait, mais j'ai choisi ce texte avec ma maman, qui est une grande lectrice et qui a toujours des super textes avec elle. Et donc, je lui ai parlé, en effet, du podcast. Et elle m'a envoyé une bonne série de textes. Et j'ai enfin réussi, parce que j'ai cherché longtemps un texte. Et en fait, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui reprenait vraiment quelque chose qui compte pour moi, en tout cas. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai dit oui, là, je crois qu'on est pas mal. C'est un texte d'Aragon qui s'appelle « Il faut appeler les choses par leur nom ». Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis. J'ai toute ma vie appris pour devenir l'homme que je suis. Mais je n'ai pour autant pas oublié l'homme que j'ai été, ou à plus exactement parler, les hommes que j'ai été. Et si, entre ces hommes-là et moi, il y a contradiction, si je crois avoir appris, progressé, changeant, ces hommes-là, quand, me retournant, je les regarde, je n'ai point honte d'eux. Ils sont les étapes de ce que je suis. Ils menaient à moi, je ne peux dire moi sans eux. Je connais des gens qui sont nés avec la vérité dans leur berceau, qui ne se sont jamais trompés, qui n'ont pas eu à avancer d'un pas de toute leur vie, puisqu'ils étaient arrivés quand ils avaient encore la morve au nez. Ils savent ce qui est bien, ils l'ont toujours su. Ils ont pour les autres la sévérité et le mépris que leur confère l'assurance triomphale d'avoir raison. Je ne leur ressemble pas. La vérité ne m'a pas été révélée à mon baptême, je ne la tiens ni de mon père, ni de la classe de ma famille. Ce que j'ai appris m'a coûté cher, ce que je sais, je l'ai acquis à mes dépens. Je n'ai pas une seule certitude qui ne me soit venue autrement que par le doute, l'angoisse, la sueur, la douleur et l'expérience. Aussi ai-je le respect de ceux qui ne savent pas, de ceux qui cherchent, qui tâtonnent, qui se heurtent. Ceux à qui la vérité est facile, spontanée, bien entendu, j'ai pour eux une certaine admiration, mais je l'avoue, peu d'intérêt. Quand ils mourront, qu'on écrive sur leur tombe « Il a toujours eu raison », c'est ce qu'ils méritent et rien de plus. Je ne suis pas comme cela. Je m'intéresse aux chemins multiples de tous les hommes, aux étapes des pensées les moins assurées, vers la lumière, et qui plus est, je suis persuadée que ma lumière, à moi, s'éteindrait si j'étais seule à la posséder. Loin d'être fière de voir au milieu des aveugles, je tiens pour peu de choses la faculté de voir si elle n'est point partagée. C'est pourquoi j'écoute avec anxiété les voix inconnues, je prête à ce qui se fait dans la littérature, qui est mon métier, une attention passionnée. Je suis persuadée que chaque homme possède une part variable sans doute de la vérité et que je n'atteins point. Chaque homme marche vers la vérité avec un pas qui est à lui. Et si je constate une faiblesse dans sa démarche, je me souviens des faux pas qui furent les miens, assez pour m'en croire capable encore. Aragon, j'abats mon jeu. Pourquoi tu as tenu à lire cet extrait, Géraldine ? Parce que ça représente pas mal mon parcours. J'ai beau m'appeler la têtue, je me suis beaucoup construite de mes erreurs. Je n'ai jamais de certitude, en tout cas j'en ai jamais eu. Je suis sans arrêt dans la remise en question, le questionnement. Et j'essaye en effet d'être comme ça aussi pour les autres, c'est-à-dire quand je suis face à quelqu'un dont je ne comprends pas le mode de pensée ou la réflexion, de dire voilà, enfin, d'accepter aussi les états de pensée des autres et de se dire qu'on a, on s'est tous trompés. On a tous été à tâtons et c'est ce qui fait en fait la vie, je crois. Voilà, moi j'ai eu une vie professionnelle très variée avec des hauts, des bas, des erreurs, des changements de cap. Mais je crois que tout ça, ça m'a permis d'arriver ici. Et parfois, quand j'en parle à des amis, je dis oui, ça, peut-être que je regrette un petit peu quand même d'avoir fait cette étape-là. Et on me répond souvent, mais non, parce que c'est grâce à ça que t'es arrivé là. Donc voilà, pas de regrets, pas de remords. On avance, quoi. Mais justement, pas de regrets, pas de remords. La société française, on ne lui avait pas donné la vérité à son berceau non plus. Et on a eu énormément d'erreurs qui ont été commises. Et à la fois, ces erreurs, elles nous ont servi d'assises pour largement transformer nos modes de vie, puisque ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse. Alors, les 2030 glorieuses, ce n'est pas un état de fait qu'on atteint en claquant des doigts où tout d'un coup, tout va bien. Non, on a forcément encore à pâtir de l'inertie climatique, de la disparition des espèces vivantes tout autour de nous. Et à la fois, on a réussi à changer de boussole. On est aujourd'hui plus humble. Je crois que c'est une des notions fondamentales de notre société. Plus humble par rapport à la vérité qu'on partage et qu'on co-construit, mais aussi plus humble par rapport à cette nature qui nous entoure et dont on est en fait tout à fait dépendant. Le monde du vin, il a connu aussi cette transformation, cette mutation, et on va voir ensemble comment il s'est transformé. Ma question, c'est là où 10 ans en arrière, on vivait avec des domaines tout puissants qui allaient écouler leurs hectolitres à l'autre bout de la planète, comment on a réussi en 2030 glorieuse à remettre de l'humilité dans le monde du vin? Faut que je réponde tout de suite. Oh là là, c'est une vaste, vaste question. Alors, je pense que déjà, la première chose, c'est le développement de l'agriculture biologique, parce que ça devient incontournable. En sachant, Géraldine, attention, qu'on est en 2030, ça y est. Donc, tous les auditeurs et les auditrices qui nous sont très fidèles savent que dès que tu nous parles présent, tu parles depuis les 2030. Mais voilà, je pense que l'agriculture conventionnelle et la chimie dans les sols, on est tous conscients que c'est terminé depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. Depuis quelques années. Ça, c'est la première des choses. La diversification des cultures, alors c'est sûr que en 2030 on n'y est pas encore, je pense, mais c'est vrai qu'il y a 50-60 ans, les agriculteurs en fait avaient été tous en polyculture. Ils n'étaient pas vignerons ou maraîchers, ils avaient un petit bout de vigne, un bout de terre pour faire du maraîchage, mais ils avaient aussi des bêtes, et l'année où la vigne gelait, bah, ils se refaisaient en fait sur le reste. Le fait qu'on nous ait spécialisé sur des monocultures et qu'on ait aussi spécialisé la terre sur des monocultures, hein, parce qu'on le voit sur des grosses régions viticoles comme en Bourgogne ou dans le Bordelais, quand on a ces kilomètres et ces kilomètres de vignes où il n'y a pas un arbre, bah forcément, le jour où il y a des aléas climatiques, c'est compliqué. Donc, ouais, le fait de mettre en place la polyculture, de remettre au goût du jour l'agroécologie, parce que c'est pas nouveau, on n'a rien inventé, hein, c'est juste qu'on reprend ce qui a été fait avant, replanter des arbres, pour moi c'est primordial et c'est le début vraiment de l'amélioration de l'agriculture française. Donc on accepte la complexité dans les cultures qui cohabitent et qui en fait s'entraident. On accepte aussi d'avoir une certaine humilité par rapport à ces vignes qui, en fonction des aléas, nous donnent pas forcément le même vin d'une année à l'autre et on fait beaucoup plus confiance à ces vignes qui sont des partenaires en fait. L'effet millésime, il est encore plus présent depuis le dérèglement climatique parce qu'en effet, un vin sur une année très pluvieuse sera pas du tout le même que sur une année de canicule. Et le fait de faire du vin nature, ça participe à ça, au respect justement du millésime et du terroir. C'est vrai qu'on voit les vins qui sont faits aux États-Unis, qui sont stéréotypés. En fait, on fait du vin comme du coca parce que les gens veulent avoir chaque année le même vin. On peut pas avoir chaque année le même vin. On a le vin que la terre a bien voulu nous donner, quoi. Et donc aujourd'hui, sur le pas de la porte, on reprend l'habitude de voir ces cagettes en plastique dans lesquelles on a des bouteilles de bière, des bouteilles de vin, et on va chercher le vin quasiment au pied de son immeuble, hein, dans la rue d'à côté, comme on va faire des courses pour remplir en vrac nos étagères de pâtes, de céréales ou de légumes qui viendraient de ceintures agroécologiques du coin, en fait, hein, de nos grandes villes. Il y a des terres agricoles autour de toutes les grandes villes, donc maintenant elles sont à nouveau exploitées. Pour faire vivre une grande ville, il faut des agriculteurs autour de la ville, sinon ça ne fonctionne pas, quoi. Et qu'est-ce que ça fait comme fierté pour toi particulièrement de te dire qu'il y a une dizaine d'années en arrière, tu faisais partie de ces précurseuses de ce vin local, de ce vin nature, de ce vin zéro déchet, et de voir que ça s'est largement démocratisé une dizaine d'années plus tard? Je ne sais pas si c'est une fierté vraiment, mais je suis contente que ça ait pu servir à quelque chose. C'est pas vraiment de la fierté, c'est plus un moment de dire ben c'est cool, vous avez écouté un tout petit peu ce que j'avais à dire, et je pense que c'est pas que lié à moi, parce que tout le monde était conscient du changement qui se tramait à cette époque-là, et voilà, c'est un travail collectif avant tout. Parce que j'aurais pu rester seule aussi à proposer ça et ça aurait rien donné, et voilà, donc si tout le monde n'a pas l'envie à un moment de changer les choses, ça ne marche pas. Oui, ce que tu veux dire aussi, c'est que plus des personnes se sont lancées dans la même dynamique que la tienne, plus aussi vous avez réussi à faire du bruit ensemble. Et finalement, de concurrents, comme on voyait les domaines qui se tiraient la bourre à grands coups de spots absolument ahurissants, de publicité à des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, on est passé avec des vignerons qui s'entraident, en fait, encore plus, qui se donnent encore plus la main, qui se font encore plus confiance. C'est indispensable. Et ça permet aussi de mutualiser les services. Et ça, c'est... Voilà, plutôt que d'être seul et de grossir, on est plein de petits producteurs, mais on mutualise. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on réduit les coûts, on réduit l'impact carbone, on réduit plein de choses, quoi. En termes d'impact carbone, justement, et de dérèglement climatique, on a une situation qui continue à avoir des extrêmes, des imprévisibles, des impondérables. Qu'est-ce qui a été fait ces 10 dernières années pour pouvoir, j'allais dire contrôler, mais je crois que c'est même pas le mot, s'adapter à ça et essayer de continuer à faire en sorte que son exploitation existe malgré les très mauvaises années? Alors l'agroécologie a été indispensable, hein, parce que le fait de planter des arbres, ça fait de l'ombre quand même. Donc quand on plante des arbres il y a 10 ans, ça commence à faire de l'ombre sur les vignes, donc c'est intéressant. Après, il y a eu beaucoup de techniques qui ont été testées, lancées, mais très onéreuses, comme des panneaux photovoltaïques sur les vignes, des ombrelles, des choses comme ça. Mais moi, je pense que le vrai bon sens paysan, c'était avant, et qu'il faut revenir à ça, en fait, plutôt que d'essayer de toujours inventer des choses toujours plus techniques et toujours plus humaines, entre guillemets. Je veux dire, pourquoi mettre une ombrelle photovoltaïque sur une vigne alors qu'on peut juste planter un arbre et que ça a la même fonction, sauf que ça va absorber du CO2 et produire de l'oxygène. Enfin, à un moment, faut arrêter l'écologie technologique, parce que la Terre nous offre tout ce qu'il faut pour faire de l'écologie. Et donc, on a les canards qui nettoient les pieds de vigne, on a les chevaux qui nous aident pour les tâches les plus difficiles. On a réautorisé le vivant parmi le vivant, en fait. À quoi ça ressemble concrètement? Est-ce que tu as d'autres exemples que tu peux me donner? Est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemblent tes vignes en 2030 glorieuses? Il y a des arbres, il y a des animaux, en effet, dans les vignes. Moi, j'ai vraiment réussi à mettre en place le plus possible l'utilisation du cheval. Bien sûr, je sais, c'est compliqué pour certains qui sont véganes et qui ne veulent pas que l'animal soit utilisé par l'homme. Mais moi, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une vraie relation entre mon cheval et moi, et de lui apporter le plus de respect possible. Après, voilà, je sais que ça a ses limites, hein, d'utiliser les animaux. Mais il y a le chat qui se réveille. Roméo entend parler des animaux, il s'est dit, moi je suis toujours là en 2030 glorieuses ou pas? C'est ça. Ah bah oui, bien sûr. Oh bah sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on si passe on a des, plus Roméo. On passe des alliances, en fait. Hein, plutôt que de voir l'animal comme une ressource qui peut rendre des services, on le voit comme un allié d'un écosystème complexe. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr, il fait partie de l'exploitation, comme moi, comme Roméo et comme mes enfants quand ils me filent un coup de main, quoi. Je veux dire, c'est... mais c'est comme... Enfin, ça, c'est comme, je veux pas comparer l'homme et l'animal, mais je veux dire, c'est comme le respect des vendangeurs. Il y a 10 ans, on avait beaucoup de mal à trouver des vendangeurs parce que ils ont aussi été beaucoup exploités et beaucoup embauchés dans de mauvaises conditions. Et on s'aperçoit que quand on fait en sorte que le travail se passe bien et de façon joyeuse, gaie, respectueuse, agréable, bah, les gens reviennent, tout simplement, quoi. On parlait tout à l'heure d'humilité qui est revenue dans le monde du vin. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années en arrière, le portrait robot du vigneron était un mâle blanc d'une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années, qui en général avait des moyens, était depuis longtemps dans la vigne. Ça a été pas mal aussi battu en brèche. On a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui ont eu des passés professionnels radicalement différents, avec des expertises aussi intéressantes, de plus en plus de femmes aussi, hein, dans le monde de la vigne. Raconte-nous un peu ça, raconte-nous ce que ça a changé et comment on a réussi à arriver à cette complexité. C'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, les stars du vin, entre guillemets, parce qu'il y a des stars dans le vin, hein, il faut le savoir, n'étaient que des hommes. Alors, il y avait déjà des femmes qui faisaient du vin, mais les stars, c'était l'exception toujours des hommes. L'exception qui confirmait la règle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que ça a évolué parce que on a arrêté de dire c'est du vin de femme, on parlait des femmes qui font du vin quand on faisait un article exprès sur les femmes qui font du vin, alors qu'on faisait pas un article sur les hommes qui font du vin. Et moi, la question qu'on me posait le plus souvent il y a 10 ans, c'est vous faites ça toute seule? Alors qu'on ne demande jamais à un vigneron s'il fait ça tout seul, ça ne nous intéresse pas. Donc oui, bien sûr, les choses ont changé. Il y avait aussi des problèmes de violence dans le monde du vin qui étaient un peu compliqués. Et heureusement, grâce un acharnement juridique, parce qu'il faut s'acharner face à ces situations, les choses se sont quand même calmées. Et je pense que les hommes qui pouvaient être violents et faire du mal se sont calmés aussi parce qu'ils ont compris que c'était réprimandable, quoi. Et puis les consommateurs aussi, à force d'exigences, ont aussi sélectionné les domaines avec lesquels ils étaient les plus en lien, et donc en lien avec des valeurs, notamment de respect du vivant dans sa globalité, donc forcément des genres. Ouais, tout à fait. Un grand pouvoir du côté du consommateur, et donc la nécessité de la transparence et du fait d'avoir ces informations, hein, qui sont effectivement pas tout le temps révélées, et qui ces 10 dernières années ont existé de plus en plus. Il y a eu besoin de ce grand déballage. Ouais, tout à fait. Il y a eu une vraie prise de conscience de la part des consommateurs, et surtout... Je pense que les gens se sont aperçus que le vrai pouvoir qu'ils avaient, c'était dans leur choix de consommation. On parlait beaucoup à l'époque de Total, d'Amazon, etc. Mais on s'est quand même aperçu que si on n'achetait pas... Alors, on ne peut pas ne pas acheter chez Total quand on a une voiture, mais ce que je veux dire, que si plus personne n'achète chez Amazon, Amazon n'existe plus. Et les consommateurs se sont aperçus du pouvoir qu'ils avaient, En fait, le pouvoir de consommer était notre pouvoir politique. Et ça, il était grand temps qu'on s'en aperçoive quand même. Une partie de notre pouvoir politique, effectivement, qui passait par notre carte bleue. Toi, Géraldine, en 2030 virus, tu fais quoi? Tu continues têtu comme tu étais déjà 10 ans en arrière? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai toujours les vignes. Alors, j'ai changé de local parce que le mien était un peu petit. Donc, j'ai développé un petit peu plus, mais je vends toujours très localement. Je suis toujours dans mes vignes avec mes 6 hectares qui sont 100% bio, avec des animaux, avec des arbres. Et le vin est toujours vendu à Lyon de façon très... Enfin, ça s'est beaucoup développé, notamment sur des structures comme les festivals de musique, comme des choses comme ça, qui, à l'époque, avaient un peu une image green qui ne reposait sur pas grand-chose, alors qu'aujourd'hui, ils peuvent en effet être fiers d'avoir une vraie démarche éco-responsable. Et puis aujourd'hui, quand on va dans un bistrot lyonnais ou un un restaurant avec des valeurs engagées, peu importe, le pichet en général qu'on pose sur la table, ce vin du jour qu'on choisit pas, c'est du vin en fait du coin, c'est des coteaux du Lyonnais. C'est vrai qu'aujourd'hui on est content d'en voir dans la majorité des restaurants lyonnais qui reconnaissent la valeur du vin des coteaux du Lyonnais, ouais, tout à fait. Si là, pour les personnes qui nous écoutent, on commence à refaire le retour, on fait le retour en arrière vers les 2022, qui doit se faire en douceur, qu'est-ce que toi, tu leur suggères depuis tes 2030 glorieuses pour les faire advenir le plus rapidement possible? En tant que citoyen, on a parlé déjà un tout petit peu du pouvoir du consommateur. Est-ce qu'on peut dépasser ça et quelle serait l'action là, à mettre en place pour elles, pour eux, tout de suite? Boire local. Pour tous les gens qui consomment local déjà. Aujourd'hui, pensez aussi au vin. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les légumes, il n'y a pas que la viande, il y a aussi le vin qui peut être local. Et je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore vraiment le choix? Et on regarde sa bouteille non plus comme un déchet qu'on jette sans réfléchir, mais comme une assiette qu'on nettoie. Ça, ce serait la phrase. Bien sûr. Oui, et ramener ses bouteilles. Ça, c'est aussi une deuxième chose très importante. Merci, Géraldine. Merci beaucoup. Et voilà, ça y est, cet échange avec Géraldine Dubois vient de se terminer. Moi, très égoïstement, je vous avoue que je suis ravi de cet échange, d'avoir pu découvrir comme ça l'initiative de Géraldine avec la têtue, de découvrir son chai en plein milieu de Lyon, dans ce vieux bâtiment, cette cave hyper ancienne avec les murs épais, les pierres apparentes. C'était vraiment une atmosphère très particulière. Alors je pense que malheureusement, vous ne l'avez pas vraiment entendu, hein, même si je sais qu'il y avait un petit peu d'ambiance et de bruit de fond, mais voilà, c'est vraiment un lieu assez unique. Je savais qu'il y avait des chais urbains, mais j'en avais jamais visité, et de le voir et de me rendre compte qu'il y a vraiment des gens qui sont portés par cette initiative de couper tout ce qu'il y a d'intermédiaire entre le produit et le consommateur afin de recréer cette humilité, mais aussi ce goût du produit et cette valeur qu'on a petit à petit enlevé à tout ce qu'on consomme. Ça me semble essentiel, et en tout cas dans la présentation de l'initiative de Géraldine, dans sa démarche, on sent à quel point pour elle c'est essentiel de forcément produire un vin qui soit de qualité, qui soit en adéquation avec ses valeurs à elle, mais aussi qui puisse être au plus proche des personnes qui le boiront, son vin, pour qui se sentent presque directement au robinet de la cuve et qui voit à quel point il y a des humains derrière, il y a des terroirs, il y a des savoir-faire, et que ces liens-là, ils ont une valeur que rien d'autre finalement ne pourrait proposer, quelle que soit la beauté de l'étiquette, la renommée de la marque. Je pense que dans ce que propose Géraldine, en tout cas moi j'ai vraiment vu des 2030 glorieuses où l'ultra local redeviendrait la norme, et ça m'a vraiment vraiment donné envie. Et puis ce qui est en plus assez génial, c'est que ça peut se multiplier à l'infini pour tous les produits qui occupent notre quotidien. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et puis, forcément, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, bonne semaine, salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !